débardeur, les sueurs, les parfums bon marché pour homme adolescent, les parfums bon marché pour femme adolescente, les maquillages de supermarché, les barrettes, les gourmettes, les colliers, les bronzages, les soutiens-gorge qui gênent, les ceintures, les briquets, les déodorants, les rouges à lèvres, les cigarettes, les pieds gonflés, les pieds écrasés, l'odeur de la bière, les verres vides, le Coca-Cola, le whisky Coca, les glaçons, les doigts qui collent, les pieds qui collent, les lèvres qui collent, les collants qui filent, les trous dans les bas, les robes neuves, les jeans serrés, les jeans délavés, les vestes noires, les sacs à main, les vestiaires, les portefeuilles, les tickets d'entrée, les coups de tampon sur la main, les mains serrées, les mains dans les poches, les mains sur les yeux, les tremblements, les oreilles qui bourdonnent, les voix inaudibles, l'agitation des lèvres, les battements du cœur, le cognement des basses, les genoux qui craquent, les cheveux qui volent, les cheveux qui s'en mêlent, les cheveux mouillés à la sueur du dos, les yeux grands ouverts puis fermés, la musique derrière les yeux, la sensation d'être seul au monde. Les feux de poitrine, six fêtes pour rester vivant. De Mariette Navarro. La scène, c'est celle-ci. Le petit garçon est pétrifié sur le seuil de la pièce. C'est le salon de chez lui, de chez ses parents. Quelque chose vient de se passer, mais il ne comprend pas quoi. Il a entendu du bruit. Une grande explosion. De joie. Ça vient de partout. De la rue, de la télévision, des radios que tout le monde a mises à fond. Mais lui, ce qui le pétrifie, c'est ceci. Le petit garçon ne reconnaît pas ses parents. Ses parents sages, ses parents taiseux. Ses parents doux, du clan des calmes, ont maintenant changé de corps. Ils sautent, et ils hurlent, et ils dansent, comme on lui interdit d'habitude de le faire. Il veut s'approcher de sa mère, mais elle tournoie et rit très fort, et manquerait de le renverser. Sa jupe en tournant laisse deviner ses jambes, et même pour la première fois, ses cuisses. Il veut s'approcher de son père, mais il a peur quand son père embrasse à pleine bouche sa mère. Plus rien ne fonctionne comme le petit garçon le croyait. La porte-fenêtre est grande ouverte. Ça non plus, ça n'arrivait jamais à cause du froid. Mais là, un vent presque doux entre qui sent le soleil. Je vous dis les consignes. On prend son souffle et on refait tout. On repeint tout. Je crois que j'ai pensé à tout. On rend tout plus beau que jamais. Mais attention, il ne faut pas que ça donne l'impression d'avoir changé. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que trop de temps s'est écoulé ou qu'il a manqué quelque chose. Il faut qu'il puisse tout reconnaître. Et pourtant, on rehausse tout d'un ton. On rend tout encore plus beau, encore plus vif, encore plus vrai. Le bleu. On le rend plus profond. Le blanc, on le rend plus brillant. Elle nous dit qu'elle veut de la joie, avec un air qui porte encore tout son souci. Les meubles, on remet les mêmes, en plus neuf. Alors en réponse, on lui sourit. On est comme ça quand elle en a besoin. On est d'accord avec elle. On fait tout ce qu'elle nous dit, pourvu que ça lui donne un air de certitude. Pourvu surtout que ça nous occupe un peu, nous, que ça nous rend utile. On gagne de l'espace, mais pas trop. Il ne faut pas qu'il se sente perdu dans la pièce ou qu'il ait l'impression d'avoir perdu du poids, d'avoir perdu sa place. On applique les consignes à nous-mêmes. On fait de notre mieux. Il faut qu'on lui paraisse proche. On calme le feu des poitrines, celui qui fait bouillir la tête. Toujours aussi proche. On se choisit des costumes qui soient nous, mais en mieux. Au fond, on se déguise en nous. Mais il faut laisser de la surface pour danser, pour la joie. C'est ça. C'est exactement ça. On se maquille s'il le faut. On souligne ce qu'il y a de mieux chez nous. Une fossette, de longs cils, des hanches rondes, une barbe faussement négligée, des cheveux qui bougent tout seuls quand on secoue la tête. Il faudra que tout soit naturel, que tout soit fluide. On est vraiment pas mal, là. On fait quelque chose pour notre peau. Une crème qui rende moins terne, qui donne l'impression qu'on vient de passer 6 mois en pleine campagne à respirer l'air pur, à s'occuper de nous. On remonte le temps, juste un tout petit peu. Alors qu'en vérité, on ne vient pas du tout de passer les 6 mois les plus agréables de notre vie, ni les plus revigorants. Et ça se voit sur notre tête. Mais on essaye. On est comme ça. À nous tous, on y arrivera. On se vernit les ongles, on couvre nos cheveux blancs. Les cernes aussi, on les estompe. On met du fard, on met du blush, on met du gloss. On travaille le sourire. Ça va comme ça? Ça va. Et moi, ça va comme ça? À nous tous, ce sera parfait. On s'entraîne à la joie pure. Ce sera parfait. Il ne manque plus qu'un peu de temps, que ça mijote, que ça repose. Elle tient la cuisine. Elle y tient comme si sa vie en dépendait. Mais sa vie en dépend, je crois. Vraiment. Si vous voulez m'aider, occupez-vous de la vaisselle. Elle nous donne quelques instructions. Quand on met un enfant au monde, ce n'est pas pour qu'il s'arrête au milieu de sa trajectoire, non. Elle nous surveille du coin de l'œil. On ne peut pas le mettre debout, le mettre en ordre de marche et puis ensuite le voir se coucher comme ça, jeter l'éponge. Ou pire, le pire. Mais ce qu'elle voudrait par-dessus tout, c'est qu'on la laisse tranquille. Alors on fait en sorte que ça fonctionne, toujours. Même quand ce n'est plus un enfant. Même quand ça peut se débrouiller tout seul et que ça ne s'en prive pas de vivre. Faire ses expériences, voir du pays, ne plus dépendre de personne. Qu'on la laisse à ce qu'elle a à faire. On lui fait à manger. Cuisiner. Tout le temps. On glisse des vivres dans son sac à dos quand il repart pour prendre un train. On lui envoie des colis par la poste. On lui fait son plat préféré. Refaire de la vie par la cuisine, dans la plus grande intimité. Avec le goût de la maison pour maintenir le lien. Pour lui. De plat en plat, de dimanche en dimanche. Elle prépare. Depuis ce matin, elle prépare son hold-up, sa victoire. On fait en sorte qu'il se resserve. On fait en sorte qu'il se lèche les lèvres et qu'il sourit quand l'assiette est finie. On fait en sorte qu'il attende la suite, qu'il ait encore faim, même quand l'estomac est plein. Qu'il ait ce plaisir-là d'anticiper, de garder une petite place pour le dessert. On ne peut pas s'en empêcher, c'est notre sorcellerie à nous. Elle fait que se répande l'odeur dans toute la maison, pendant que d'autres, elle pense, nous, s'occupent de choses moins essentielles comme la décoration, qui parlera aux yeux, mais non pas comme son repas. On se sourit au alors, plus profond juste du avant le café. Et aucun lien n'est émoussé. Et le temps n'a rien changé, à rien. J'ai mis les bouteilles au frais. Et peu importe qu'on ait fini par être un peu adulte. J'ai mis les bouteilles au frais. Il goûtera et le temps n'existera plus. Nous, on installe de la vaisselle précieuse sur des tables décorées. On aura terrassé toutes les mauvaises nouvelles. 1000 petites choses qui brillent. On aura compris. Des chemins de table qui invitent à la promenade, des amuse-gueules, des sauces et des sodas. Toi, tu t'occupes des feuilletés, moi je m'occupe des fromages. On sort les coupes, les cruches, les cloches. On fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de casse. C'est un malheur. Alors que pour le malheur, on a déjà donné. Pas de traces sur les couverts. Un temps neuf, sans marque de rien. Une première journée pour tout. Je vais aller le chercher. C'est maintenant. Je me concentre comme si de ma concentration allait dépendre la réussite. Le bonheur, ou du moins la reprise de la vie qui était la nôtre. Acceptable et sans turbulence. Je me concentre comme si c'était un sport de précision, les retrouvailles. Quand elle sort, on ne sait plus quoi faire. On vérifie 10 fois ce qui a été installé. On change une chose ou deux de place. Mais au bout d'un moment, ça suffit. Mais au bout d'un moment, c'est bien comme ça. Elle doit y être maintenant. Elle doit l'accueillir, le prendre dans ses bras, le rassurer un peu, lui dire que tout va bien et que la vie est belle quand il en fait partie. Ou bien, elle doit ne parler de rien d'important. Comme je la connais, elle se concentre sur les gestes, sur le concret de l'organisation. Elle doit l'aider à porter son sac et il doit se défendre. Ça va maintenant, j'ai retrouvé des forces. Elle doit trembler un peu quand il monte dans la voiture, quand il ne la regarde pas dans les yeux, Elle ne sait pas s'il a quelque chose de particulier à lui dire, s'il va entrer dans le jeu, s'il va faire le premier pas pour que tout ça devienne une plaisanterie, une fête. Il est là. Surprise ! Voilà, c'est nous. C'est pour toi. C'est une surprise pour toi. On se met en mouvement. Champagne ! On mime la vie avec beaucoup de précision. Allez, on boit, on traîne ! On dirait qu'on s'y entraîne depuis notre naissance. Est-ce que tu bois ? Je ne sais plus si tu as le droit de boire. Ils n'ont rien laissé au hasard. De la musique pour jouer la gaieté et la lumière. Ils ont tout rééclairé très fort, comme s'ils cherchaient à ne plus laisser une seule ombre, à éradiquer la moindre faille. Tu danses ? Ils veulent me voir en pleine lumière. Il n'a pas tant changé que ça. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le même ? J'aurais pensé plus maigre. Ils veulent savoir. On ne voit pas de cicatrices. Ils tournent autour. J'aimerais qu'ils nous parlent de ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais qu'on n'en parle plus jamais. S'inventent de nouveaux sourires. Il a l'air d'aller bien. Essaye en tournoyant de me paraître plus léger. Tu as goûté ce que j'ai préparé ? Depuis combien de temps on ne s'était pas réunis comme ça ? Depuis combien de temps on n'avait pas pris le temps d'être là, tous ensemble ? Dis-le que tu n'as pas mangé aussi bien depuis longtemps. Est-ce que ce n'est pas du bonheur ? Hein ? N'est-ce pas ? Ils dansent pour moi, avec une tension que je ne leur connais pas. Une application d'enfant. Ils me sourient, sans savoir quoi me dire, me tendent des verres et des assiettes pleines, en posant leurs mains sur mon bras, pour s'assurer que c'est bien moi. Ils se détendent, petit à petit. Ils me posent leurs mains dans le dos, comme on remonte un jouet mécanique, peut-être. Ils se laissent aller à prendre nos mains et nos phrases un peu bêtes. Pour me donner l'impulsion. Le petit geste qui fait continuer, qui fait reprendre la vie où elle en était. On sent qu'il se détend. Ils contrôlent tout sauf la sueur de leurs mains. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir... Sauf leur tremblement. Peut-être que nous n'avons pas su bien voir. Ils ne me demandent pas de compte. Ils ne me demandent pas pourquoi. Tu sais, tu peux passer chez nous quand tu veux maintenant. Personne n'ébrèche rien des belles mines de circonstance. Aucune flamme ne s'éteint dans aucun de leurs yeux. Tu sais que tu n'es pas tout seul. Et moi, je les admire pour cette obstination à croire à leurs bonnes nouvelles... À leur version des faits, mon retour... Tu sais que tu n'es pas tout seul. Je les admire pour cette concentration. Mais sincère. Tu sais que tu n'es pas tout seul. Mais si sincère... Mange, mange. Ne me dis pas que tu n'as plus faim. Alors, pour échapper à leurs doigts qui s'agrippent à mes bras... Mange. À leur point d'interrogation, je souris. Je me fige... pour ne plus jamais répondre à leurs demandes de promesses. Est-ce que tu n'es pas heureux ? À tous ces contrats d'amour qu'ils voudraient me faire signer. À tous les engagements de joie. Est-ce que tu n'es pas heureux ? Ils ont gagné le temps qu'ils voulaient. Ce soir, ils me gardent au chaud de leur fête. Ils me maintiennent en vie une nuit encore. Est-ce que tu n'es pas heureux ? Que cette nuit finira autrement. Les courbatures, les muscles du bassin, les muscles des fesses, les muscles qu'on découvre à l'intérieur des bras, à l'intérieur des cuisses, les sautillements, les balancements, les ronds, les courses sur place, les doigts qui claquent, les rires qui échappent, les grognements, les peaux qu'on frôle et qui s'écartent, les boucles électriques, les nappes électroniques, les chants robots, le son qui monte, les refrains qu'on reprend en criant plus fort que l'autre qui hurle et se surprend de son audace. Les têtes qui battent la mesure. Les flashs, les accélérations, les stroboscopes. La fulgurance du blanc. Les gestes découpés, les angles, les jaillissements d'énergie. Les sauts, les suspensions, les visages redessinés. Les peaux qui luisent, les fronts qui perlent. L'utilité des sourcils, les yeux plissés, les paillettes, les silhouettes. Le blanc des dents et des t-shirts. Le bleu sur les paupières, les veines sur les tempes, les amitiés éternelles, les étreintes, les bousculades, les coudes à coude, la nuit sur les épaules, le feu dans le sang, la surprise de se trouver beau, la douleur de la trouver belle, impossible, les aisselles qu'on offre au regard en bougeant, Les poils, les chairs de poule, les seins, les bijoux qui cognent, les marques rouges, les bleus sur les jambes, les couleurs de peau, les couples, les langues, les ongles peints, les ongles sales, le cercle autour de celles qui se déchaînent, l'imitation des trans, la tentation du rock, l'hilarité, la timidité, la fugacité, la ténacité, les sexes, les yeux fous, les supplications muettes, les corps qu'on bouscule pour s'éloigner du centre, les ventres qu'on longe, les fesses qu'on repousse, les airs langoureux, ce sera la fin de la fête. Les folies, les oublis, les cris qu'on retire, le verre de plus, l'ivresse exacte, dans nos chambres, non, les dialogues empêchés, dans nos horaires d'école, les murs pour soi-même. Il faudra de nouveau se coucher tôt. Les mélodies. Nous ne voulons pas que ça s'arrête. Nous voulons continuer à inventer cette fête. À inventer le programme de chaque journée. Les danses, les repas, les promenades. Nous voulons continuer à inventer des jeux. Alors faisons que la fête continue. Pour que le bonheur ne se repose jamais. Jusqu'à ce que nous soyons adultes. Et plus longtemps encore. Est-ce que tout le monde vote oui? Alors au travail. Ceux qui ne croient pas à notre fête. Ceux qui ne croient pas à notre bonheur. Il faudra les punir. Ils bougent. Leur faire très mal. Ils bougent. Elle aussi, regardez. Elle ouvre les yeux. On peut les détacher un petit peu. Mais il ne faut pas qu'ils s'échappent avant d'avoir joué avec nous. Ils nous entendent. Qu'est-ce qu'on en fait? On les déguise? Non. On les laisse. On reviendra les voir tout à l'heure. Maintenant, on va danser. Je viens de faire un drôle de rêve. Oh, j'ai mal à la tête. Est-ce qu'on s'est évanoui? Endormi, peut-être. Dehors, dans le froid. Je t'avais dit que c'était risqué de me suivre. On en a déjà parlé. Que je marche au hasard et que je ne sais jamais où je vais tomber. On en a déjà parlé. Je porte malheur. Arrête. Je n'ai pas d'autre endroit où aller de toute façon. Vous êtes réveillés? Excusez-les, ils font pas les choses à moitié. Il faut pas se formaliser. Ni s'effrayer, ça les énerve. On va vous détacher maintenant. Il faut pas vous inquiéter, on va vous donner de quoi vous réchauffer, voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ils sont pas méchants. Mais ce sont eux qui organisent la fête. Ils prennent leur rôle très au sérieux. Tenez, servez-vous. Attention, c'est chaud. Bienvenue. Merci. Vous étiez devant, dans la cour, tombé, endormi de froid, mi-mort. Les pieds blessés, violets. Ce sont eux qui vous ont trouvé. Ils font le guet la nuit, dehors. Vos chaussures sèchent près du feu. Ils vous les rendront, mais pas avant de vous avoir dit ce qu'ils attendent de vous. Il y a longtemps que vous marchez? Plutôt longtemps, oui. On cherche un endroit acceptable. Un endroit qui veuille bien de nous sans contrepartie. Ici, c'est acceptable. C'est un lieu de répit. C'est la fête tout le temps. Est-ce que vous voulez des masques? Des costumes? Ici, on peut changer d'identité ou enfin être soi-même. Si on croit que ça veut dire quelque chose. Vous pouvez changer de nom ou les laisser vous en trouver un. Ils ont, comme on dit, de l'imagination. Nous avons préparé notre règlement. Et nous allons vous le lire. Vous devez être heureux, vous amuser, et ne penser à rien d'autre. Pas de soucis, c'est clair. Vous devez nous aimer. Et vous aimer aussi. Vous pouvez faire d'autres enfants. Ils rejoindront notre groupe dès qu'ils sauront marcher et sauter les barrières. Nous leur montrerons. Vous ne devez jamais hausser la voix. À part pour chanter. Oh, j'ai mal à la tête. Vous devez respecter. Ici on joue. Qu'ici on court. Ils se réunissent une fois par jour en assemblée. Mettent toutes leurs idées dans une boîte et votent. Qu'ici, on lit les histoires qui nous plaisent. On ne sait plus depuis combien de temps on est ici. Plusieurs mois. Qu'ici, on s'allonge dans des hamacs. C'était l'idée de l'une d'entre nous. Confier l'organisation de son anniversaire aux enfants. Leur laisser toutes les clés. Et bientôt, on arrivera à son prochain anniversaire sans que la fête se soit éteinte. On dessine sur les murs, sur les mains, sur les visages. Qu'on ne se cache ni pour rire, ni pour pleurer. Nous avons arrêté le temps. En quelque sorte. Mais est-ce que quelqu'un a quelque chose pour la tête? Vous avez pris froid. Depuis le temps que vous marchiez comme ça dans la neige, vous avez de la chance d'être tombé sur eux. Danser vous réchauffera. Ici, on ranime ceux qui ont froid. On nourrit, on protège, on danse. Vous verrez comme ça fait du bien. Comme on oublie tout. Tenez, goûtez ça. Qu'est-ce que c'est ? Une potion. Du piment. Je me souviens seulement que depuis plusieurs années, c'était l'hiver. Au début, on n'y a pas prêté attention. Au début, on a vissé nos bonnets sur nos têtes et on a fait le dos rond. On a fêté un Noël sous la neige, et puis une nouvelle année, et puis un nouveau Noël est arrivé, et une nouvelle année encore, sans que l'hiver ne soit parti, à aucun moment. Une même longue nuit. On a continué chaque jour à se lever, à travailler, à attendre que les journées se rallongent. On a regardé tous les matins par la fenêtre. On espérait que le ciel se soulève un peu. Mais cet hiver, qui dure longtemps, ça n'était pas qu'une question de température, ni de neige, ni de brouillard. C'était plutôt une chape, un poids. Petit à petit, ça s'est durci, glacé, au travail et entre les gens, partout. Plus aucune main tendue quand quelqu'un se noyait. On a vu des amis se jeter par la fenêtre ou se laisser mourir de froid. On a vu nos jeunes fragiles, fragiles, alors qu'ils auraient dû reprendre le flambeau. L'humanité, d'un coup, gagnée par la laideur. C'était le début d'un long hiver dont on ne trouvait plus la sortie. Alors, quand la fête a commencé, quand on a réussi à la mettre en route, à l'allumer, quand cette villa s'est mise en place et qu'on y était si protégé du froid, on a décidé de plus la quitter. On a allumé des lampions dans l'hiver. On a fait confiance aux enfants pour changer le climat. On s'est installé ici. On a trouvé comment y vivre, dans leur fantaisie, à eux. Nous avons disparu des radars. En quelque sorte. Reprenez du vin aussi, allez. Reprenez des couleurs. Je n'avais pas senti couler le sang dans mes veines depuis longtemps. Oh, j'ai la gorge en feu. Alors, c'est que ça fonctionne. C'est bien. Nous allons vous laisser vous préparer. Habillez-vous comme bon vous semble. De préférence, des choses amples. Ils veulent des vêtements qui volent, des coloris joyeux. Il va être l'heure de danser. Pourquoi tu remets ton manteau ? Aide-moi à trouver mes chaussures. Il y en a ici, de plus belles, regarde. Pour la neige, ça ne vaut rien. Prépare-toi. Attends, attends. Écoute-moi. Je sais ce que tu vas dire, mais c'est si joyeux ici. Je ne veux pas. Mais si on t'offre une trêve, prends-la et vis un peu, allez, pour une fois, vis. S'il te plaît, fais-le vivant, dans le temps stoppé pour nos beaux yeux. Mets une robe, mets un masque. Fais le con. Mais fais quelque chose qui prouve qu'il y a encore un peu d'oxygène, là-dedans, un reste de rire. Allez, danse, et montre-leur que tu n'es pas totalement mort, qu'ils n'ont pas encore gagné, ceux qui te désespèrent, ceux qui te crachent dessus. Montre comme ton corps a de la force et de la joie, je le sais, moi. Regarde, moi je m'habille en rouge, comme tu aimes, et je vais danser. Comme tu aimes et me serrer contre toi. Comme je sais que tu aimes. Nous allons rester là où on veut de nous, prendre la place. Et nous allons faire des tas d'enfants, pour augmenter le nombre de leurs armées vivantes. Et nous leur apprendrons à être heureux, et à ne pas se laisser faire comme nous. Pousse-toi. Est-ce que quelqu'un n'y croit plus ? Est-ce que quelqu'un ne veut plus jouer ? Non, non. Si. Nous repartons. Je repars. Alors, c'est fini. Nous ne voulons plus danser. Nous déclarons la fin de la fête. Et nous ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous ne savons plus rien faire. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Il n'y a plus rien d'autre qui fonctionne. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber. Nous livrer à nous-mêmes. Nous sommes des enfants. Nous avons sommeil. Nous avons envie de pleurer pour rien. Mais nous aussi. Nous déclarons que c'est à vous maintenant d'inventer les règles. C'est à vous d'inventer les règles. S'il vous plaît. Nous ne savons pas. Nous ne savons plus. Nous déclarons que nous ne voulons plus trouver les réponses pour vous. N'ayez pas porté votre bonheur sur nos épaules. Qui sont fragiles et encore impuissants. Nous ne saurons plus rien d'autre que ce que vous nous apprendrez maintenant. Nous ne voulons plus que vous nous trouviez formidables tout le temps. Que vous vous extasiez devant notre jeunesse. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons que vous nous protégiez des monstres et des loups. Que vous construisiez des maisons aux briques infranchissables. Avec un coin pour le calme et un autre pour le jeu. Nous voulons que vous nous portiez le soir. En laissant près de nous une veilleuse. en laissant une veilleuse. Une veilleuse. Nous voulons que vous nous réchauffiez contre vous. Contre vous. Que vous nous obligiez, à mettre nos bonnets. À finir nos assiettes. À manger des légumes. À nous réveiller pour l'école. À nous brosser les dents. Nous voulons que vous vous battiez contre l'hiver. Que vous vous battiez pour qu'on vive dans la ville qu'il nous faut. Nous voulons que vous mettiez de l'ordre dans les idées. Que vous retrouviez un sens aux mots qui ne veulent plus rien dire. Voilà. Au travail. C'est à vous maintenant d'inventer les histoires. La scène, c'est celle-ci. Elle se lève de son fauteuil. Elle, la très vieille, l'immobile. C'est la première fois depuis 5 ans qu'elle se lève sans l'aide de personne. Depuis qu'elle a fêté ses 90 ans en pensant que c'était le dernier anniversaire. D'habitude, elle ne se lève pas. D'habitude, elle attend qu'on la pousse. D'habitude, elle attend que le temps passe tout seul et qu'on la porte dans son lit. D'habitude, ses yeux ouverts, c'est pour fixer le plafond ou le brouillard à la fenêtre. Depuis longtemps, il n'y a plus de paysage derrière l'encadrement de la fenêtre, mais beaucoup de blanc. Mais à présent, tout simplement, elle est debout, presque droite. Avec ses mains, elle dessine des arabesques. Les bras, elle essaye de les lever haut, plus haut que sa tête. Elle fait des moulinets. Elle risque un pied devant, un balancement de hanche. Elle danse. Save the date. En anglais, on dit save the date. On sauve la date. D'accord. Mais de quoi ? On la sauve du fleuve de notre mémoire. On lui tend la main. Viens, date. Sèche-toi. Souris. Entre dans la lumière. Héroïquement, on la protège de tout ce qui pourrait la ternir. Dire que pour d'autres, ce sera un jour ordinaire, sans grande joie. Un jour d'ennui, peut-être. Dire que pour d'autres, elle sera oubliée dans une semaine. Dire que pour tellement de nos concitoyens, elle ne renverra à rien. À aucun rendez-vous, à aucune robe blanche, à aucun serment pour la vie, à aucune photo de groupe, à aucun château loué pour l'occasion, à aucune chance de voir son existence changée par la magie d'une rencontre amoureuse durable. Mais nous, nous la sauvons. Nous sommes les sauveurs. Nous la mettons sous verre. Oui, pour cette date, nous faisons le pari de l'incroyable. J'y crois. Immédiatement, je veux y croire. Parce que c'est en train d'arriver, sous mes yeux. C'est comme un flash. Tu es un flash. Une vision, si on peut dire, une image en couleur qui renverse tout de l'ordre du monde. Parce que si tu es là, c'est que d'autres choses sont possibles. D'autres, comment on dit, miracles. En même temps que je te parle, je me dis que j'ai manqué d'imagination. J'aurais dû envisager une chose pareille dans la liste des scénarios. Quand j'avais coché cette date dans mon calendrier, je m'étais pourtant préparée avec sérieux. C'est-à-dire en me faisant le film précis dans la tête. En me faisant la fête à l'avance et la cérémonie avec ce que je croyais savoir du fonctionnement, du hasard, et qui vient de se renverser à l'instant, là, sous mes yeux. Là, quand tu as tourné la tête, comment tu vas? Excusez-moi. Voilà. Je vais être plus clair. Te trouver, toi, ici, c'est du domaine de l'imprévu. De l'inespéré, je veux dire. Une explosion de joie. Un éclair qui me coupe en deux. Et en même temps, oui, c'est un peu terrifiant. Pardon. Est-ce que c'est à moi que vous parlez? Non, mais dis, c'est vrai, ça. Tu aurais pu prévenir. J'aurais pu avoir, un malaise cardiaque. Non, je plaisante. Je suis en parfaite santé. Parfaitement heureuse. Je suis heureuse, oui. Pleinement heureuse, enfin. Merci. Est-ce qu'on se connaît ? En cette date, il ne serait pas raisonnable de ne pas se réjouir. Ou pire, oui, pire, d'être là par hasard, avec son cœur battant normalement, avec ses préoccupations courantes, avec aucune larme au coin de l'œil, avec aucune conscience du moment inoubliable. Sur la piste de danse, même les enfants sentent que la pièce est saturée de magie. Ils sont dans une autre dimension. Ils ne pourront jamais le dire, mais ils le sentent, c'est certain. Ils sont envoûtés. Ils sont déchaînés. Dans toutes les fêtes ensuite, ils chercheront à retrouver cette excitation-là, ce corps débridé jusqu'à l'hystérie. Ils sont en lien direct avec l'esprit de la fête. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Un verre de champagne ? Pardon, je n'ai pas vraiment saisi ce que vous vouliez. Si c'est pour danser, je préfère ne pas. Je préfère rien. Restez là. Vous vouliez passer ? Non, c'est ici que je veux être. En cette date sauvée par nous, nous qui sommes là, le temps ne passe plus. On ne sait plus si une pendule quelque part a sonné minuit. On ne sait plus qu'un autre jour nos illusions sont mortes. Non. Le temps n'est plus qu'une playlist parfaitement composée. On saute d'un morceau à l'autre sur la piste de danse. Mais le temps ne saute pas. Non. Le temps cette nuit est notre ami. Le temps que nous sauvons de l'oubli. Pour rien au monde, il ne sauterait. Pour rien au monde, il ne serait brutal. Il ne nous ferait pas ça. Est-ce que ça n'est pas la plus belle fête du monde ? C'est réussi, oui. Grâce à la perfection de l'organisation, je suis là et tu es là. De nouveau, on retrouve le fil. Le fil ? Mais maintenant j'y pense. Peut-être que c'était prévu. Peut-être que ce n'était qu'une surprise pour moi. Et que toi, tu préparais depuis des mois ta petite mise en scène, ton positionnement à l'endroit le plus absurde, au milieu de tout, pour être sûr qu'on ne pourrait pas se manquer. Cette fois, plus jamais. Est-ce que je suis un endroit absurde ? Je gêne, c'est vrai, je gêne tout le monde. On me regarde. Il fallait y attendre. Qu'on te regarde, qu'on n'en revienne pas. Toi, ici, un vrai prodige. Je vais aller prendre l'air. Non, reste. Épinglé comme ça, au milieu de la fête, un papillon dans son coffret. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Un papillon de nuit, d'habitude. Un souvenir aux ailes un peu lourdes, invisible, obstiné. Insultant dans ton absence, dans ta savante disparition. Mais ce soir, tu t'es montré. Peu importe pour quelle raison, tu t'es montré. En pleine lumière, immobile, épinglé. Attention, ne me touchez pas. S'il vous plaît. Je vais m'évanouir si vous me touchez. La désertion de la piste. Les yeux par terre. Les maladresses. Les insultes. Les malentendus. Les paroles en anglais. La traction des lèvres. Les paumes sur les hanches. Les coups qui capitulent. Les têtes penchées. Reposées dans les nuques. Les bras plus fermes. Les gestes vifs. Les poitrines écrasées. Les lèvres prises, les joies totales, les larmes rentrées, les yeux révulsés, les interdits, les heures oubliées, les banquettes sales, les consciences endormies, les intimités soudaines, les peurs nouvelles, la faim, la soif, l'envie de l'air, les prénoms dits sans qu'on les entende, les dernières précautions, la bière réchauffée, la bière renversée, la robe qui colle, la main qui entraîne, la liberté, la nausée, la tristesse infinie toujours présente pour quelqu'un, la joie infinie, le retour des basses, le dernier bond au milieu de la piste, les doigts enlacés, la trahison, la tendresse, les retrouvailles, l'éloignement, la beauté de la lune, la blancheur d'un ventre, la rosée, la veste froissée, la langueur, le souci de rien, la légèreté, les joues brûlantes, les doigts moites, le téléphone qui vibre, la photo floue, les bras tendus devant soi, les petits yeux, la messagerie, les baisers longs, les premières voitures quittant le parking, le téléphone qui insiste, les amis qui n'existent plus, les promesses qui n'existent plus, le passé qui n'existe plus, le futur qui change de forme, de couleur, de densité, le présent qui brûle, les peaux qui brûlent, les klaxons sur le parking, la décision de ne pas partir, la décision de ne pas vieillir, la décision de ne rien oublier, la décision de ne plus jamais vivre moins intensément que ça, la certitude de soi, l'ambition totale, la musique qui s'épuise, les années 80, les tubes de l'été, les toilettes inondées, l'acidité de la pisse, la porte blindée, le vigile droit, les hystéries par groupe, les sorties par grappe, les fesses sur le trottoir, les rares étoiles, les gouttes de pluie, le fou rire, les paupières lourdes, les maquillages effacés, les doigts qui longent l'arête du nez, les cheveux attachés, les foulards remis, les odeurs froides, la fin du paquet, la perspective des boulangeries, la perspective de la parole, les bras dessus, bras dessous, les silences, l'envie du lit, l'envie du bain, l'envie du repas, l'invitation à rentrer ensemble, le mal de crâne, la peau qui tire, les ampoules aux pieds, la lumière du soleil, les heures rétrécies, l'idée de s'allonger, la contrariété, les obligations, l'amour lessivé, le démaquillant, l'impossibilité du sommeil, la mémoire des basses, les visages dans les yeux, la vie nouvelle, la vieille habitude, la première fois, la routine, la bouteille d'eau, le camion poubelle, les corps enlacés, les corps seuls, les voisins levés tôt, les voix dans la rue, la bouche sèche, le repas du dimanche. Je peux déjà te raconter la fin de l'histoire. Tu n'es pas trop sentimentale, j'espère. On va sortir les balais, ranger les tables, enlever les nappes, et en dessous, il n'y aura que du plastique, abîmé. Il y aura ceux qui font tout et ceux qui traînent autour. On va vider les frigos et tout se répartir dans des sacs. Quelques-uns vont se dépêcher de finir les bouteilles. Quand la musique va s'éteindre, il y aura un silence terrible. On entendra de nouveau le son des voix qui gueulent. On va somnoler à l'arrière des voitures et s'en vouloir d'avoir tant bu. On va se promettre que la prochaine fois on ira à l'hôtel, qu'on fera la route 2 jours, qu'on en profitera pour visiter la région, qu'on passera un peu plus de temps avec les frères, les sœurs, les cousins. Après tout, on ne sait pas quelle sera la prochaine occasion de se voir. Il n'y en aura peut-être plus, de notre vivant. Les deux familles vont régler leurs comptes. Les choix pour ce jour merveilleux vont revenir sur le tapis. La musique, le menu, et qui va payer pour tout ça? La mariée va faire une crise de nerfs. Le marié, pour la calmer, va lui servir à boire. Ils vont s'endormir, tout habillés, vaguement agacés l'un par l'autre. Et toi? Je vais aller me coucher, en espérant que demain personne ne me réveille. Avant le soir. Ma mère, elle va rentrer avec un inconnu. Elle va me supplier de faire comme si je n'avais rien vu. Je connais ce regard. Demain matin, il sera parti. Elle passera 2 heures dans la salle de bain pour ne pas que je voie qu'elle a pleuré. Elle changera les draps pendant que je prendrai ma douche. Moi, je vais te raconter ce qui va se passer, vraiment. Dans quelques minutes, ce sera la dernière danse. Mais avant qu'on ne rallume les lumières, le ciel va devenir un peu moins gris. On va commencer à voir du jaune et puis du rose. Les oiseaux seront à l'heure pour nous le rappeler si on oublie de regarder. De vraies petites alarmes, réglées sur le lever du jour. Ben, ça s'appelle les heures blanches. Parce que ce sont elles qui font la différence. Ce sont elles qui font les nuits blanches. Si on s'arrête avant, si on va se coucher, ça ne compte pas. La nuit redevient noire. Tu veux connaître les heures blanches? Faut voir. On va commencer à frissonner. Toi surtout, avec ton dos tout nu, tes petites bretelles sur tes épaules. Alors je serai malade. Bronchite, au minimum. Si je te prête mon écharpe, tu veux prendre le risque? Faut voir. On va laisser les autres passer leur serpillière. On va les laisser décrocher leur ballon. Nous, on ne voudra pas voir ça. On ne le supporterait pas. On ne voudra pas retourner en arrière. On se lèvera de ce banc où il n'y aura plus aucune étoile à regarder. On marchera dans l'air mouillé, pieds nus. Et on emmerdera tous les rhumes du monde. Mais au bout de 5 minutes, on appellera nos noms. On nous dira de nous dépêcher. Il faudra commencer à dire au revoir à chacun. Faire des bises. Et s'il n'y a pas d'autre fête, on ne se reverra jamais. Autant se dire au revoir maintenant et ne pas s'attacher. Au revoir. Et tu veux pas aller un peu plus loin vers la rivière? Là où on ne pourra plus entendre qu'on nous appelle? Faut voir. Peut-être qu'ils nous auront déjà oubliés. Je te montrerai un pont ou une plage. Un endroit qui a du charme. Où on peut mettre les pieds dans l'eau. Je te dis que je crains le froid. Dommage. D'accord, je garderai les pieds juste au-dessus de l'eau. Il faudra t'endurcir, parce qu'on ne reviendra plus jamais chez nous. On profitera de l'été pour disparaître dans la nature. Ça ne te dit pas, ça? Partir pour de bon, être libre. Faut voir. Je ferai du feu. Je construirai un abri solide. Et si tu as toujours froid, je te prendrai dans mes bras. Il paraît que c'est comme ça qu'on peut survivre. On nous croira mort. On enverra la police. On trouvera des ruses pour passer inaperçus. On se camouflera. On apprendra le silence. À se nourrir de baies. À s'habiller de peau de bête, mais très stylé. Ceux qui prétendent vivre des aventures n'auront rien vécu à côté de notre aventure à nous. Celle de l'heure blanche, où on peut tout oser avant que l'aube arrive. C'est vers quelle heure? L'aube? L'heure blanche. C'est maintenant? Alors? Quoi? On ose? Quoi? On s'embrasse? On va danser d'abord? La scène, c'est celle-ci. On ne peut pas la saisir d'un seul regard. Ou bien il faudrait être tout en haut de la ville, sur le clocher qui surplombe. Mais personne ne surplombe rien. Tout le monde avance vers en bas, vers la plage. Vers le feu que quelques-uns ont fait démarrer sur la plage. Les premiers arrivés. Ils n'arrêtent pas de grandir. Le feu, il lèche le ciel. Et ce n'est plus le feu d'avant, le feu pour réchauffer, pour faire fondre la neige. Ce n'est plus le feu vite éteint, si pénible à entretenir. Et ce n'est pas non plus le feu dangereux. C'est le feu qui danse. Et autour aussi, ça s'organise en danse. En cercle dansé, en ronde, en saut, ondulation. D'en haut, on verrait des ondes. Oui, de la joie qui se propage. Chacun est saisi par la joie à sa façon. Par exemple, oui, par exemple, la joie du petit enfant, elle n'est pas contrôlée. Elle est totale. Si bien qu'il ne fait pas la différence entre les rires et les cris, entre son euphorie et ses sanglots. On ne sait pas très bien pour le petit enfant qui ne parle pas encore ce que signifie ce très long cri. Une émotion trop grande? Son entrée dans la vie vivante? Et elle? La petite fille, elle vient de comprendre que les robes tournent et tournent encore. Elle invente la robe toute ronde à tourner sur elle-même. Est-ce qu'elle ne va pas tomber? Elle a trouvé le bon rythme. Quand d'un pied, elle se relance pour un tour, et tape, et donne un coup de la tête, et fait tourner ses cheveux. Le jeune homme, il l'imite. Et c'est beau de voir un jeune homme se prendre pour une petite fille. Faire avec ses grands bras des petits mouvements doux. Et son ami? Ah, son ami se moque un peu. Il ne sait pas encore lui tourner comme une fille. Bientôt, il apprendra. Là-bas, il y a une cohue. C'est un groupe d'enfants. Est-ce qu'ils sont déguisés? Habillés en dieu Pan, avec des robes trop grandes. Il y a 1000 musiques, contradictoires, cacophoniques. 1000 rythmes différents et rien qui marche au pas. Quand on est entre deux sons, on danse un peu de l'un, on danse un peu de l'autre, un peu de fanfare et un peu de percussion, un peu de chants orientaux et un peu d'envolée classique. Plus on se rapproche du feu et plus on est en transe. Bien sûr, on a les yeux qui brûlent. Bien sûr, on ne sait pas trop si c'est vrai. Elle, la jeune femme, elle sait maintenant que pendant des années, elle rêvait de ce feu. Elle comprend que ses rêves racontaient quelque chose de sa joie de vivre et qui s'était perdu. Elle ne sait plus comment. Ah si, elle sait. Quand un amour était parti, ou bien quand d'un mot on avait fait tomber toute son estime, quand on avait décidé à sa place, ou quand on lui avait dit qu'elle ne servait à rien. Mais ce feu en plein soleil, à quoi ça sert? En plein après-midi. Ça sert à rattraper toute la chaleur perdue. Pour lui, par exemple, habillé au minimum, un caleçon, une chemise ouverte. Pour lui, ça sert clairement à augmenter la température avant d'aller se baigner. Ah, ils sont quelques-uns à s'approcher de l'eau. On dirait que l'idée se répand. On fait des tas sur le sable avec les vestes, avec les pantalons. Il y a des gens tout nus? Quelques-uns, ceux qui veulent. Depuis combien de temps on n'était pas allé dans l'eau? C'était impossible. Depuis combien de temps on n'avait pas montré sa peau au soleil? C'était interdit. Toutes ces peaux trop pâles se dorment maintenant entre le feu et le soleil. À chacun sa brûlure. Un homme se sent bien quand il est exactement à la croisée de tous les éléments. Assis dans le sable, il tourne le dos au feu, regarde la mer et se laisse caresser par un air frais. Un autre a carrément choisi l'eau. Il nage, il nage, il nage. Regardez comme il nage. Est-ce qu'il va s'arrêter? Il n'y a pas de limite à la mer devant lui. Tout le monde parle en même temps. On refait connaissance. Il n'y a pas de tribune. La seule tribune, c'est le feu. C'est l'eau. Il y a quand même cette très vieille dame que tout le monde regarde. Au plus jeune, elle apprend sa danse. Une danse avec les bras. Comme ça. Tandis que les jambes lui servent à se tenir au sol. Quelle tenue! On dirait qu'elle a poussé de la terre. Une longue croissance de presque 100 ans. Il y a ces corps si différents côte à côte, vous avez vu? Pas deux qui dessinent les mêmes courbes, pas deux qui dansent du même pas. Les voûtés se redressent un peu. Ah, pas lui, regardez. Lui, au contraire, se penche encore en direction du feu. On dirait qu'il salue. Et les deux jeunes, là? Ils se caressent le visage. Le feu, c'est leurs yeux. On dirait qu'ils n'ont rien remarqué de ce qui se passe autour. Tant pis pour eux. Tant mieux. Tant mieux. Regarde. C'est joli comme il tremble. Moi, j'aime bien le gros monsieur traversé de soubresauts. Il a l'air tellement sérieux dans ses mouvements de hip-hop. Les gamins autour rigolent et lui donnent des conseils. Bah, il se débrouille pas mal. C'est mieux quand il enlève sa cravate. Une femme attrape un homme par le bras et l'embrasse, au hasard. Il passait à côté, elle s'est servie directement du baiser qu'elle voulait. Bien sûr. Maintenant, elle en embrasse un autre. Elle a l'impression de le reconnaître. Elle trouvera peut-être le bon. Qui te dit qu'il n'y en aura qu'un? Qui te dit qu'elle ne les goûtera pas tous? Est-ce que la nuit ne tombe jamais? Mais si, bien sûr. Voici le soir d'été, pour le plaisir de ses odeurs. À l'approche du soir, chacun a amené de quoi manger. On est allé chercher ce qu'on gardait dans les réserves, ce qu'on gardait pour les grands jours. Il y en a de plus prudents que d'autres. Regardez, lui, comme il avait gardé dans son placard tous ses délices. Il y a assez à manger pour le pays entier. C'est grâce à elle aussi, elle a cuisiné depuis le matin. Elle a fait venir de loin tout ce qui manquait d'habitude. Et le monsieur de tout à l'heure, il se fait de longues tartines et a enlevé sa chemise pour ne pas se tacher. Le bébé goûte pour la première fois un fruit bien mûr. On boit des vins précieux. On pense aux récoltes à venir. La jeune fille boit une gorgée d'alcool fort. On se fait passer des gâteaux pleins de miel. On passe la langue sur les bouches pleines de sel. La vieille dame offre à qui veut une liqueur qu'elle gardait cachée. On s'allonge dans le sable. On regarde les étoiles. Déjà ? Mais oui. À manger et danser, une partie de la nuit est passée au-dessus des têtes. Le bébé dort sur le ventre du gros monsieur. La petite fille tourne encore, épuisée, et trace des tourbillons dans le sable. Un ange passe. Yes. Un soupir d'aise. Le souvenir d'un disparu. Il frôle les têtes, se chauffe un peu. On n'entend plus que le crépitement du feu. Les corps qui se serrent les uns contre les autres. Les baigneurs s'enroulent dans de grandes serviettes. Ils sentent leurs muscles se relâcher un par un. On n'entend plus que les tambours dans les poitrines. Les murmures de contentement. Et demain? Et demain? Demain, on attendra le lever du soleil. On ne le laissera pas repartir de si tôt. C'était Les feux de poitrine, six fêtes pour rester vivant, de Mariette Navarro. Avec Judith Morisseau, Nathalie Kuznetsov, Marie-Sophie Ferdan, Claire Cahen, Philippe Duclos, Manuel Valade, et les voix de Jeanne et Simon, Zachary, Elias et Jasmine. Musique originale, Gaëlle Desbois et Christophe Hoquet. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Christophe Hoquet. Ce texte a été remarqué par le bureau de lecture de France Culture. Les feux de poitrine de Mariette Navarro est publié aux éditions Quartet. La scène, c'est celle-là. Elle s'est endormie tôt. Et pour une fois, elle n'a pas été réveillée par le froid. Pour une fois, elle a dormi d'une traite. Un sommeil comme elle n'en avait pas connu depuis longtemps. Elle a presque senti son corps s'enfoncer dans le matelas. Cette sensation si agréable. Quelques centimètres de plus que d'habitude dans le réconfort. Et là, elle est en train de faire un rêve incroyable. Elle vole au-dessus de la ville et tout le monde est dehors pour la regarder voler. Personne n'est étonné de la voir nager dans les airs. Tout le monde a laissé là les affaires en cours et afflue dans la rue, se précipite par la porte, sur les balcons. Dans son rêve, c'est l'énergie de tous ces gens réunis, sortis dehors, qui l'a fait flotter au-dessus des toits. « Ne me faites pas retomber ! Ne me faites pas retomber !» Elle crie et elle rit tout en même temps. C'est à ce moment-là que le téléphone sonne et la réveille. Il faut qu'elle sorte, vite. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne viens pas faire la fête ?